pardonne-moi si tu as de la peine. Écoute-moi, il faut que tu comprennes. Hier j'ai dit que je t'aimais, mais je sais que ce n'est pas vrai. J'ai confondu croyant aimer l'amour et l'amitié. Pardonne-moi pour ce que je t'ai dit. Pardonne-moi, je n'ai pas réfléchi. Je me sentais si près de toi. Je voulais être dans tes bras. J'ai confondu, croyant t'aimer, l'amour et l'amitié. Pardonne-moi, je n'ai pensé à rien. Pardonne-moi, je me sentais trop bien. Mais tu sais, je ne jouais pas. J'ai de la peine autant que toi, car j'ai peur d'avoir tout caché. L'amour et notre amitié. L'amour et notre amitié.